Auvergne, la reine des grenouilles, par Grasset d'Orsay. La Dordogne et la Cause prennent toutes deux leurs sources dans le massif du Mont d'Or, mais elles sont séparées par le col de Diane, que le touriste doit traverser pour passer de l'une dans l'autre, avec la presque certitude d'une tourmente de neige, même en plein été. Du côté de l'est, ce col s'incline en pente douce, dans laquelle se creuse une vallée très ouverte, tapissée de riches pâturages, jusqu'au lac du Chambon. Cette nappe d'eau, assez peu profonde, est retenue par une coulée de lave qu'a vomi le cratère voisin du Tartaret, et il en est résulté une chaussée naturelle qui barre la Couze. Si on la remonte jusqu'à sa source, elle conduit à un lac beaucoup plus curieux, qui occupe le cratère d'un ancien volcan. Son trop-plein s'échappe par une large brèche, mais si l'on monte dans une nacelle qui vous mène au milieu du lac, cette brèche se confond avec les parois de la montagne qui leur fait face, et l'on se croit au fond d'un puits gigantesque, presque géométriquement circulaire, formé par des gradins basaltiques auxquels se cramponnent de maigres taillis, quand ils y trouvent un peu de terre végétale. À quelques pas du bord, la sonde ne trouve plus de fond à ce qu'assurent les paysans, et ils prétendent qu'aucun poisson ne peut y vivre. Aucune source apparente ne l'alimente, mais à quelque distance se trouve un autre abîme, nommé le creux de Choucy, qu'on prétend communiquer avec lui pour lui porter les eaux d'une rivière souterraine. On croyait aussi qu'au milieu du lac se trouvait un tourbillon qui engloutissait tout ce qui passait à sa portée, de sorte que, pendant des siècles, personne n'avait osé y lancer une embarcation. Je suis montée sur la première qui a sillonné ces eaux noires et glacées, et j'ai pu m'assurer qu'il n'y a pas le moindre tourbillon. Mais ce site est si étrange, si sauvage et si mélancolique qu'il mérite bien, après tout, son nom druidique de lac Pavin ou lac de l'épouvante. Au XIIIe siècle, tout ce coin de montagne pittoresque, mais froide, appartenait à la famille d'Estaing, qui l'a possédé jusqu'à la Révolution. L'un d'eux, à la bataille de Bouvines, eut la chance d'offrir son cheval à Philippe Auguste, qui venait de perdre le sien et allait être fait prisonnier. En reconnaissance de ce service, les sires d'Estaing furent autorisés à ajouter les armes de France à leur blason. C'étaient de rudes batailleurs, dont la sombre demeure féodale se dresse encore au-dessus du lac du Chambon. On la nommait le château de Murolles, et il n'en reste plus que la carcasse. Mais elle est encore très imposante, et quiconque désire se donner de violentes émotions n'a qu'à faire le tour de la corniche extérieure qui domine encore ses remparts ébréchés. On y jouit d'une vue superbe sur le lac, et quand le parapet fait défaut, ou que les pierres branlent sous le pied du touriste téméraire, pas n'est besoin de la bise glaciale qui souffle continuellement à cette hauteur pour lui faire éprouver un frisson dont le souvenir suffit à lui procurer une douce fraîcheur en pleine canicule. Malgré sa forte position, le château de Murolles n'a joué qu'un rôle très effacé dans l'histoire de la province, parce que la route qu'il commandait ne desservait que des pays enfouis sous la neige, au moins pendant 6 mois. Mais tout près de là se trouve le mont Cornador, avec la charmante église romane de Saint-Nectaire, qui indique l'emplacement d'un centre druidique important. Car cet ordre si étrange recherchait de préférence, pour y établir ses collèges, des sites sombres et terribles, dans lesquels il a laissé de nombreuses légendes, et aujourd'hui le peuple croit encore que tous les lieux où il a dressé les menhirs et ses pierres branlantes sont hantés par des fades, des fées. Bien avant que le château de Murolles appartint à la famille d'Estaing, c'est-à-dire du temps que les bêtes parlaient mais n'écrivaient pas encore dans les journaux, le seigneur du pays répondait au vilain nom d'Olborius. Encore était-il bien plus vilain que son nom, car on aurait dit un vieux singe, tant il était camus, bourru et bossu. Il n'en était pas moins fier comme Artaban, parce qu'il possédait une superbe paire de culottes aussi bariolée que celle d'Arlequin, qu'on croyait être fée. En effet, chaque fois qu'il mettait ses splendides culottes à l'endroit, le vent soufflait du bon côté, la neige fondait promptement, et les vaches avaient de bonnes herbes à plein ventre. Mais s'il les mettait à l'envers, il tombait du verglas, bêtes et gens se cassaient le cou. Malheureusement, Olborius était aussi avare que méchant, de sorte qu'il portait presque toujours ses culottes à l'envers. D'abord, prétendait-il, ça les usait moins, et puis ça l'amusait de voir le pauvre monde se rompre les jambes. Il est vrai qu'il les remettait très bien, ayant étudié la sorcellerie dans de vieux bouquins. Mais il se faisait payer gros, de sorte que, si l'envers de ses culottes ruinait tout le monde, sa poche n'en était que mieux garnie. À quoi bon, puisqu'on ne lui avait jamais connu ni femme ni enfant? Pendant longtemps, il avait vécu tout seul au fond de son château avec sa vieille sœur, la veuve quoi, aussi laide, camuse, bourrue et bossue que lui-même. Pourquoi se faisait-elle passer pour veuve? Les plus vieilles gens du pays n'avaient jamais vu le sieur quoi et doutaient qu'il eût jamais existé. Ils soutenaient que, dans sa jeunesse, elle avait couru les aventures. Puis, un jour, elle était revenue, vieille, cassée et édentée, comme on la voyait, passant toutes ses journées assises dans un grand fauteuil sculpté, à filer son rouet en ayant l'air de dormir. Mais si quelque servante nouvelle se fiait à cette somnolence pour aller fourrager dans l'armoire aux confitures, la veuve quoi ouvrait un œil terrible, prenait une de ses lourdes galoches et, sans se lever de son siège, atteignait infailliblement la délinquante qui se gardait bien de recommencer. Car la vieille ne manquait jamais son coup, attendu que sa galoche était faite. Avec un couple seigneurial comme celui-là, le château de Murolles n'eût pas été un séjour des plus gais si Olborius et la veuve quoi n'avaient eu auprès d'eux le jeune Franklin et la petite princesse Églante, qui leur ressemblaient juste comme le jour à la nuit. Ils étaient les enfants du frère d'Olborius Cantal, prince du lac d'Or, aujourd'hui Aurillac, qui avait péri dans une bataille contre les aventuriers normands, et l'on accusait tout bas le sire de Murolles d'avoir été de complicité avec eux pour se partager ses dépouilles. Dans sa part de butin se trouvaient les deux enfants de son frère qu'il avait recueillis, parce que ni lui ni sa sœur n'avaient d'héritier. La veuve quoi les avait élevés durement et ne pouvait pas les souffrir, surtout la princesse Églante, qui était bien la plus mignonne créature qu'on pût voir. Ils étaient si heureusement doués que tous deux s'étaient rendus capables d'occuper une place digne de leur naissance. Mais Olborius ne se souciait pas le moins du monde de leur rendre les états de leur père, et il avait décidé, avec la veuve quoi, qu'il épouserait sa nièce. Quant à son neveu, il comptait s'en débarrasser d'une façon quelconque, fût-ce même par un crime. Voilà ce qui se passait au château de Murolles du temps que les bêtes parlaient, mais n'écrivaient point encore dans les journaux. Par une matinée d'automne, Olborius et Franklin revenaient ensemble de la chasse aux loups. Pour sa propre commodité, le sire de Murolles avait mis sa culotte à l'endroit, de sorte qu'il faisait un temps superbe. L'oncle et le neveu étaient descendus de cheval, parce qu'avec cette fraîcheur et ce beau soleil d'automne, il faisait bon marché. Tout en suivant la chaussée du lac, Olborius avisa une chétive grenouille qui appréciait aussi le beau soleil d'automne et avait quitté son humide séjour pour s'y réchauffer. La pauvre bestiole ne faisait de mal à personne, et cependant, à sa vue, le sire de Murol vociféra un horrible blasphème. En même temps, le talon de l'épieu qu'il portait s'abattit sur la grenouille et lui broya une cuisse. Il allait l'écraser tout à fait sous sa botte ferrée, si, mu par un sentiment de pitié qu'il ne s'expliquait point, le jeune Franklin ne l'avait saisi par le bras, ce qui donna à la grenouille le temps de s'élancer dans le lac où, malgré son horrible blessure, elle disparut en nageant vigoureusement de la seule patte qui lui restait. Sa rage, Olborius l'aurait bien volontiers tournée contre son neveu s'il ne s'était aperçu, en essayant de se dégager, qu'il n'était plus de force à lutter contre lui. Quand celui-ci le vit plus calme, il le laissa aller et se contenta de lui demander pourquoi il en voulait tant à cette misérable grenouille. « C'est que ce n'est pas une grenouille, la coquine, répondit le vieux seigneur, mais une ennemie jurée de ma race. Je te conterai ça plus tard, car c'est un secret de famille. Une autre fois, tâche de ne plus te mêler de ce qui n'est pas ton affaire. » Sur ce, ils rentrèrent au château sans que Franklin songeât plus longtemps à cet incident. Mais il n'en fut pas de même de son oncle, qui eut une longue conférence avec la veuve Quoi, et il fut convenu entre ces deux êtres malfaisants qu'on brusquerait le mariage du vieux seigneur avec Églante. Le lendemain, Franklin avait été pêcher à la ligne sur un coin du lac qu'il affectionnait particulièrement. Il était ombragé par des aunes gigantesques au feuillage noir et par des saules ressemblant à des plumeaux. Une source voisine y formait un petit ruisseau garni du plus beau cresson qui allait se jeter dans une anse naturelle après avoir vivifié un gazon encore très vert et, en ce moment, le vieil Olborius, voulant faire le beau auprès de sa nièce, étalait le plus brillant côté de sa culotte. Aussi faisait-il un temps splendide. Les poissons frétillaient et mordaient à l'hameçon, si bien qu'en peu de temps le jeune prince avait ramassé une fort belle friture de jeunes truites. Il allait se retirer lorsqu'il vit apparaître la grenouille à la patte cassée. Elle se dressa sur l'eau et se mit à pousser une multitude de quax brequeque quax auxquels d'abord il ne comprit rien. Puis, peu à peu, sa mémoire se débrouilla et il reconnut une langue qu'on lui avait apprise dans son enfance, alors qu'il habitait les bords du lac d'Or, dans le splendide palais de son père Cantal. C'était le grec des grenouilles d'Aristophane. Celle qui avait la jambe cassée lui disait « Très noble seigneur, en échange du service que vous m'avez rendu hier, permettez-moi de vous donner un avis que vous ferez bien de suivre. Renaud, sire de Montauban, a entendu parler de la beauté de votre sœur Églante et a envoyé des ambassadeurs pour demander sa main. C'est un prince jeune, beau, riche et magnifique qui peut faire le bonheur d'Églante. Mais Olborius la veut pour lui-même. Le vieux Grigou, interrompit Franklin. Il est aussi méchant qu'il est laid, poursuivit la grenouille, et pour que les ambassadeurs du sire de Montauban n'arrivent point, il a aposté des brigands qui doivent les assassiner à l'entrée de ses états. Si votre cœur est à la hauteur de votre naissance, armez-vous et allez au secours des ambassadeurs. Vous les trouverez tout près du lac Pavin. J'y cours, répondit bravement le jeune prince. Doucement, objecta la grenouille. Si vous alliez vous armer au château, votre oncle ne manquerait pas de vous faire suivre et probablement assassiner aussi. Entrez dans ce fourré, vous y trouverez une armure à votre taille et une monture toute prête. Si vous êtes digne de votre race, enfourchez-la hardiment sans vous inquiéter de la trouver un peu extraordinaire. Aussitôt votre œuvre accomplie, revenez ici pour déposer vos armes. Vous rentrerez au château avec votre ligne et votre poisson, et, si malicieux que soit votre oncle, il ne se doutera de rien. » Sur ce, elle plongea et disparut. Franklin se hâta de lui obéir. Dans le fourré voisin, il trouva l'armure à laquelle rien ne manquait. L'écu portait une échelle contre une colonne. Auprès se tenait une énorme grenouille, grosse comme un taureau, magnifiquement scellée et bridée. Franklin était né brave. Après s'être armé à la hâte, il enfourcha résolument ce coursier aquatique qui partit aussitôt en faisant des bonds d'au moins 100 pieds. D'abord, le jeune preux eut quelque peine à se tenir en selle et chercha instinctivement la crinière. Mais on sait que les grenouilles n'en ont point. Heureusement, il ne tarda point à se rassurer, car la monture, malgré ses bonds énormes, avait le galop très doux. En quelques minutes, elle porta son cavalier au-delà du lac Pavin, au moment même où les brigands apostés par Olborius allaient se ruer sur les ambassadeurs du sire de Montauban. La vue du chevalier de l'échelle à la colonne les remplit d'épouvante. Ils essayèrent de fuir le monstre qui le portait, mais aucun de leurs chevaux n'était de pied avec lui. Franklin n'avait qu'à tenir sa lance droite. On aurait dit que la grenouille se battait pour son propre compte. En un rien de temps, tous les brigands furent embrochés par derrière comme des mauviettes. La besogne achevée, Franklin aurait voulu se rapprocher des ambassadeurs. Mais ce fut vainement qu'il tira sur la bride. Sa monture avait pris le mort aux dents et le rapporta en quelques bonds au lieu où il avait trouvé ses armes. Puis, aussitôt qu'il eut mis pied à terre, elle plongea dans le lac. Le jeune prince se désarma, prit sa ligne et son panier et rentra au château. Afin de détourner tout soupçon, il alla porter lui-même sa pêche toute vivante à la tante Quoi. Une heure plus tard, arrivèrent les ambassadeurs. Qui fut ébahi? Ce fut le traître sire de Murol. Il leur demanda s'ils avaient fait bon voyage et si les routes étaient sûres. Les étrangers répondirent qu'ils n'avaient rencontré que de très honnêtes gens tout le long du chemin. Quant à l'intervention de Franklin, ils n'en avaient aucune connaissance, car tout s'était passé hors de leur vue, quoique très près d'eux, grâce aux sinuosités du ravin dans lequel ils étaient engagés. « Ces coquins m'auraient-ils joué ?» grommela Olborius. Ne se fiant qu'à lui-même, il profita de ce qu'après s'être rafraîchi, les ambassadeurs s'étaient retirés dans leurs appartements pour y prendre du repos, et enfourchant son meilleur destrier, il courut à l'endroit où devaient être embusqués ces bandits. Ces pauvres diables n'avaient pas volé leur argent. Ils étaient tous morts, à l'exception d'un seul qui respirait encore et put donner le signalement de celui qui les avait mis en cet état. « C'était, dit-il, un chevalier monté sur un monstre effroyable et portant sur son écu une échelle contre une colonne. » Mais il n'en put raconter davantage et expira aussitôt. « Une échelle contre une colonne ? » répéta le vilain sire de Murol. « Ce ne peut être qu'un envoyé de cette maudite Ranis que j'avais enchantée et que je n'ai pu achever l'autre jour grâce à ce sceau de Franklin. Mais qui peut s'être fait son chevalier? On m'avait dit que Renaud de Montauban n'avait point quitté ses états. Aurait-il suivi son ambassade incognito? En ce cas, ça tournerait mal pour moi, car il est tenu pour un guerrier irrésistible. Tant pis. « Je suis non moins connu pour un enchanteur irrésistible, et jusqu'ici, j'ai toujours vu la ruse venir à bout de la force. » Mais il avait beau se faire la leçon et se mettre, comme l'on dit, le cœur au ventre, il rentra au château de Murol très découragé. Informé de tout ce qui s'était passé, la veuve Quoi fit preuve de beaucoup plus de sang-froid et lui rappela qu'il avait le droit d'imposer 3 conditions à celui qui lui demanderait la main d'Églante. Il devait lui rapporter la tête du dragon du creux de Choucy, ce qui n'embarrasserait peut-être pas beaucoup un sabreur comme le sire de Montauban, si c'était lui qui avait déconfit ses bravis. Mais il était à parier qu'il serait beaucoup plus long à se procurer une danseuse qui pourrait danser la bourrée 3 heures durant avec une dourne de lait sur la tête, sans en verser une seule goutte. Une dourne est un grand vase de cuivre. Et qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de fileuses capables de filer en un tour de sablier la grande quenouille de Murol, laquelle se chargeait de 2 quintaux de lin. Telles étaient, par l'ordre du destin, les conditions que devait remplir celui qui désirerait obtenir la main d'Églante. Olborius, un peu réconforté, se revêtit de ses plus riches habits pour recevoir les ambassadeurs en audience solennelle. Il leur fit part des conditions auxquelles le destin lui permettait d'accorder la main de sa pupille. Puis il se retira majestueusement, les laissant très décontenancés, car il ne leur était accordé qu'un délai de 3 jours pour les remplir, et ce délai ne leur laissait même pas le temps d'en référer à leur souverain. Ils considéraient donc leur mission comme ayant entièrement échoué, et, à moins que d'ici là il ne se fît un prodige, leur intention bien arrêtée était de partir le lendemain. Le prince Franklin avait assisté à la réception des ambassadeurs et entendu la réponse de son oncle qui l'avait navré. Il se dit que sa sœur était vouée au malheur pour toute sa vie si la mystérieuse grenouille ne venait pas une fois de plus à son aide. Aussi, comme il restait quelques heures de jour, il prit sa ligne et son panier et se rendit immédiatement à la source au Cresson. La bonne grenouille était toujours là, traînant sa jambe mutilée. Cette fois, ce fut le prince qui se mit à coasser le premier, mais avec un accent tellement athénien que la boiteuse en fut émerveillée et se sentit tout à fait prise d'affection pour un jeune mortel qui parlait si purement la langue des grenouilles. Franklin lui exposa la situation lamentable dans laquelle se trouvait sa pauvre sœur, par suite des 3 conditions qu'exigeait le sire de Murol. Lui-même essayerait bien de rapporter la tête du dragon du creux de Choucy. Ses pères avaient accompli bien des exploits de ce genre, et il ne se croyait pas dégénéré. Mais comment se procurer la danseuse et la fileuse? La bonne grenouille lui répondit qu'elle lui demandait la nuit pour réfléchir, et lui donna rendez-vous pour le lendemain à l'aube. Le prince ne dormit guère. Dès que le coq eut chanté pour la 3e fois, il sauta à bas de son lit, s'habilla à la hâte et courut à la fontaine. La grenouille n'était pas à son poste dans le lac. Il entendit un coassement dans le fourré où, la veille, il avait trouvé les armes et la monture mystérieuse, et il y pénétra résolument, quoiqu'il s'attendît à quelque nouvelle surprise. Cette attente fut déçue, car il ne s'y trouvait que la pauvre petite estropiée. « Es-tu bien décidé à sauver ta sœur ?» lui dit-elle en son langage. « Plus que jamais, » répondit fermement le prince, « et pour y arriver, je me soumettrai aux épreuves les plus étranges et les plus dures. Je l'aime tant, cette chère petite Églante. » « La première condition ne m'inquiète pas beaucoup, » poursuivit la bonne grenouille. « Je vais te donner une lettre pour mon bon ami le dragon, qui ne fera aucune difficulté de te prêter sa tête, après que vous aurez rompu une lance ensemble. » »« Mais en fait de danseuse et de fileuse, je ne connais que moi-même qui puisse remplir les conditions exigées par ton oncle. Et comme il le sait, c'est pour cela qu'il m'a mis dans le misérable état où tu me vois. » Ma jambe ne peut guérir que si tu jettes dans le lac la superbe agrafe de diamant qui attache ton manteau. Or, ce n'est pas seulement un bijou d'une valeur inestimable, c'est le signe de ta race et de l'autorité que tu exerces sur elle. Je le sais, mais qu'à cela ne tienne, répliqua le prince, « j'aime mieux renoncer à régner que de voir ma sœur à jamais malheureuse. » Et, arrachant l'agrafe de son manteau, il la lança de toute sa force dans le lac. Au même moment, la jambe de la grenouille se trouva guérie. Elle se mit immédiatement à battre une série de merveilleux entrechats et s'écria joyeusement. « Merci, cher petit ami, je puis donc danser maintenant et tu verras avec quel talent je m'en acquitte. Malheureusement, pour filer la grosse quenouille de Murol qui est celle du parfait amour, je serai forcée de te demander un sacrifice autrement pénible que celui de ta riche agrafe. » Ta sœur Églante ne peut être dispensée d'épouser un vieux singe qu'autant que tu te résignerais toi-même à unir pour ta vie entière ton sort à celui d'un être qui n'est guère moins laid. « Et lequel ?» demanda anxieusement Franklin. « Moi, » fit tristement la grenouille. « Toi ? Pourquoi pas ? Assurément, tu n'es pas d'une beauté séduisante pour un mortel, car si j'étais un grenouillet, je te trouverais sans doute très belle et très bien faite. Mais mon oncle est méchant et sot et ennuiera mortellement ma sœur quand il ne la brutalisera pas. Toi, tu es bonne et spirituelle, et je suis sûre que tu feras tout ton possible pour me rendre heureux. Le sort des glantes serait insupportable. Le mien sera peut-être envié de bien des gens. Donc je t'épouse, c'est dit. Merci, mon gentil petit prince. En ce cas, comme je ne peux pas monter jusqu'à toi, couche-toi pour que je te donne un baiser qui sera le gage de nos fiançailles. » « De grand cœur, » fit le prince. Et il se baissa de façon à mettre ses belles lèvres purpurines à la portée du hideux animal. Mais à peine l'eut-il effleuré qu'un éblouissement lui fit voir 36 lumières, et lorsqu'il se fut dissipé, il se trouva assis à côté de la plus merveilleuse princesse du monde. Tout ce qui restait de la grenouille était une robe très riche de soie verte rayée de noir, retenue par une superbe ceinture à laquelle Franklin reconnut l'agrafe qu'il venait de jeter dans le lac. La belle princesse s'amusa quelque temps de sa surprise, puis elle lui dit « Je suis Ranis, la reine des eaux qui féconde cette terre. J'avais parié avec ton oncle que je me ferais aimer sous n'importe quelle forme qu'il lui plairait de choisir, tandis que lui n'y réussirait jamais. C'était de ma part une grave imprudence, car je m'étais engagée à ne quitter cette forme que le jour où j'aurais gagné ma gageure, et pendant tout ce temps je restais à sa discrétion. » Tu as vu avec quelle barbarie il en usait. Maintenant, grâce à toi, il est à la mienne. Aussi puis-je te promettre que je ne serai pas ingrate et que tu ne te repentiras pas d'avoir uni ta destinée à la mienne. Notre union sera célébrée en grande pompe au sein de mes états. Mais pour le moment, il faut nous occuper de délivrer ta sœur. » Elle frappa dans ses mains. Aussitôt apparut un superbe destrier tout blanc harnaché d'or, portant une armure complète d'or également, avec un écu sur lequel on distinguait un renard au haut d'une montagne couverte de neige. « Ton oncle, » reprit Ranis, « s'attend à voir Renaud de Montauban suivre de près ses ambassadeurs. Je t'ai donc procuré un cheval et des armes absolument semblables aux siennes pour qu'il te soit facile de jouer son rôle. Équipe-toi et commence par aller chercher la tête du dragon. Tu me reprendras en passant. » Franklin s'empressa d'obéir à la belle reine des eaux. Il s'équipa, plia un genou en terre et lui baisa respectueusement la main. Puis, s'élançant sur le grand destrier blanc, il partit au triple galop. C'était vraiment un superbe cavalier, et Ranis le suivit longtemps d'un œil plein d'admiration. On allait vite avec ses montures. En un rien de temps, le jeune aventurier fut au creux de Choucy et aperçut le dragon qui se chauffait au soleil. C'était un être monstrueux, avec une tête de loup, un corps de lion, deux pattes de grenouille, des ailes de chauve-souris et une longue queue de serpent. Tout près de lui, contre la porte de sa caverne, était fichée une lance longue et lourde. À la vue du cavalier qui fondait sur lui avec la rapidité de l'ouragan, il prit sa lance à l'aide d'une de ses pattes et l'assujettit solidement sous son aile. Puis, s'arc-boutant sur sa queue, il attendit. Le choc fut terrible, la lance du dragon frappant en plein l'écu du chevalier, et celle du chevalier atteignit le dragon en pleine poitrine. Toutes deux fléchirent, puis se brisèrent. Les écailles du dragon avaient parfaitement résisté, tandis que le fer de sa lance était resté planté dans l'écu de Franklin. Celui-ci sauta prestement à terre et tira son épée. Mais le dragon se mit à rire et lui dit « C'est inutile, mon petit ami. J'ai la vue si perçante que je viens de lire la lettre de ma bonne Uranis à travers l'acier de ta cuirasse. Elle me prie de te prêter ma tête, et comme je n'ai rien à lui refuser, la voilà. » En même temps, le dragon détacha son masque de loup, derrière lequel Franklin put voir une vénérable tête de vieillard dont le nez était surmonté d'une large paire de besicles. Un mouchoir à carreaux était noué autour de son cou et son chef était surmonté d'un majestueux bonnet de coton garni d'une visière de carton. Voyant que le jeune homme le contemplait avec stupéfaction, il ajouta « Ce sont mes insignes de grand druide, mon petit, et je te prie de croire qu'ils sont aussi respectables que ta couronne d'or de prince de ce monde. Mais tu as bien travaillé, et je suis content de toi. Viens t'asseoir auprès de moi, et buvons un coup en bons auvergnats, nous l'avons bien gagné. » Franklin alla s'asseoir à côté du vieillard, qui tira de son trou un beau flacon de cristal et une coupe d'or merveilleusement ciselée, dans laquelle il lui versa une pleine rasade de vin blanc de Coran. Puis, quand elle fut vide, il le pria de la garder comme souvenir. Lui-même s'en servit une autre encore plus riche, et tout en mangeant d'excellents jambons pour trouver le vin meilleur, il lui raconta comme quoi il avait la garde de trésors d'une richesse inouïe, dont ces deux coupes ne pouvaient lui donner qu'une bien faible idée. Après quoi, il le congédia en le chargeant de compliments pour la princesse Uranis, sa bonne nièce, et en lui recommandant instamment d'avoir le plus grand soin de sa tête et de bien la brosser tous les jours. Lui-même l'attacha au chanfrein du cheval, où elle produisait un effet superbe. Puis Franklin prit congé du dragon, le plus honnête et le mieux élevé qu'il y eût à 50 lieues à la ronde, car on n'en a jamais trouvé de pareil qu'en Auvergne. Grâce aux allures de son grand cheval blanc, en quelques minutes, Franklin fut de retour auprès de la charmante reine des eaux, qu'il eut quelque peine à reconnaître. Elle était toujours aussi belle et aussi gracieuse, mais elle avait troqué ses habits royaux contre ceux d'une pauvre paysanne des montagnes. Un voile noir était fixé sur son front par un large cercle de cuivre qu'on nomme « serre malice ». Dessus était posée une dourne de lait. Dans son tablier était passée une quenouille et debout, elle attendait son chevalier tout en filant avec une agilité incroyable. Dès que Franklin fut à portée, elle sauta légèrement en croupe sans verser une seule goutte de son lait. Puis, s'étant assise comme sur un divan, elle recommanda à son chevalier de baisser sa visière afin qu'on le prît pour Renaud de Montauban et de rentrer au château. Le châtelain et ses hôtes sortaient de table. Les ambassadeurs, n'ayant aucun espoir de réussir dans leur mission, avaient demandé leur monture pour reprendre, comme ils étaient venus, le chemin de Montauban. Olborieus était radieux. Si radieux qu'il avait mis sa culotte du bon côté et qu'il faisait un temps admirable. Qu'on juge de sa stupéfaction lorsqu'il vit arriver un cavalier portant les armes de Renaud de Montauban, le preux le plus redouté de ce temps-là, avec la tête du dragon du creux de Choucy pendue au cou de son cheval. Mais ce fut bien pis lorsque le pauvre bossu vit en croupe du guerrier une jolie fille portant sur sa tête une dourne de lait sans en verser une goutte et filant avec une agilité prodigieuse pendant que le grand destrier blanc se cabrait, ruait, pirouettait et se livrait à toutes sortes d'extravagances pour se faire valoir lui et son cavalier. « Il n'y a que cette coquine de Ranis qui soit capable de cette haute voltige, » se dit tout bas Olborius. « Mais je lui ai imposé des conditions telles qu'elle n'a pas pu les remplir. Ce gascon de Renaud m'aura amené quelques fées de son pays. C'est égal, j'ai affaire à forte partie. » En effet, le cheval s'arrêta et Ranis sauta à terre sans accepter l'aide de personne, ni sans perdre une goutte de lait. On aurait pu croire que sa dourne était vissée sur sa tête si elle ne s'était empressée de la déposer sur le gazon. Ce fut le tour de Franklin qui refusa de se laisser désarmer et de lever sa visière. Ranis prit la parole en son lieu et place, pour déclarer que Renaud avait déjà rempli la première des trois conditions et qu'il désirait qu'on procédât immédiatement aux deux autres épreuves, afin de pouvoir se mettre en route avec sa fiancée avant la tombée de la nuit. Il avait juré de ne pas lever sa visière avant la fin de cette entreprise, et n'ayant rien mangé ni bu depuis le lever du soleil, il désirait la terminer le plus promptement possible. On commença donc par la danse qui ne demandait pas grands apprêts, car les ménétriers du château venaient de donner une aubade à ses hôtes. La veuve Coy fut apportée dans son grand fauteuil. Chacun des ambassadeurs dansa avec la jolie paysanne jusqu'à ce qu'il fût hors d'haleine. Pendant 2 heures, tablier en main, elle ne fit que pirouetter sans verser une seule goutte de lait. Olborius, émerveillé malgré sa défaite, voulut clore le branle en personne. Puis il observa très galamment que l'usage du pays exigeait que la danseuse embrassât son danseur. « Très volontiers, » répliqua Ranis en déposant sa dourne. Au même instant, le petit bossu sentit sur sa joue quelque chose de glacé et de gluant et soupçonna que c'était une grenouille. Furieux, il voulut l'écraser d'un grand coup de poing, mais il n'atteignit que sa joue. La grenouille venait de piquer une tête dans la dourne au lait. « Ah, je sais maintenant à quoi m'en tenir !» murmura Olborius. « C'est Ranis qui vient de danser. Elle est désensorcelée. Mais où a-t-elle pu trouver un amoureux? Elle va me battre au fuseau comme à la danse. N'importe !» Son guerrier jaune n'est pas encore prêt d'épouser Églante. Je me réserve pour la fin. » Il ne restait plus que l'épreuve de la quenouille. Elle était haute comme un mât de navire et chargée de 2 quintaux de lin. On la planta au milieu du préau. Tout le monde se demandait comment la jeune paysanne s'y prendrait pour la filer en un tour de sablier. Et la veuve Coy, poussée par la curiosité, s'était elle-même levée pour mieux voir. « Approchez-vous, vénérable dame, » lui dit respectueusement la fileuse, « et vous aussi, noble châtelain, » ajouta-t-elle pour Olborius. Le couple pervers s'approcha sans défiance. Ranis leur mit à chacun un bout de fil dans la main et les pria de le tenir jusqu'à ce qu'on retournât le sablier. Dès que le signal fut donné, à chacun d'eux, elle donna une croquignole et ils se mirent à tourner avec une rapidité vertigineuse pendant que le fil s'enroulait autour de leur corps comme s'ils avaient été une paire de fuseaux. À la fin du sablier, la quenouille était complètement dégarnie de lin. D'Olborius et de la veuve Coy, on ne voyait plus que la tête et les pieds. Tous deux étaient essoufflés et ivres de fureur. Mais garrottés comme ils l'étaient dans leur énorme peloton de fil, ils ne pouvaient se livrer qu'aux mouvements les plus grotesques. De sorte que les ambassadeurs eux-mêmes ne purent tenir leur sérieux. « La farce est jouée !» s'écria joyeusement Ranis, et tu peux lever ta visière, dit-elle à Franklin. Celui-ci obéit. Le vieux et la vieille écumaient, mais gardaient un silence menaçant. À cheval, continua la reine des eaux, car nous ne serons vraiment en sûreté qu'au lac Pavin. Franklin, prends ta sœur en croupe, et vous, messieurs les ambassadeurs, passez devant. Mais vous-même, aimable souveraine, objecta le chevalier doré, irez-vous à pied ? Moi, j'ai un équipage, répondit-elle en soufflant sur la dourne. Aussitôt la grenouille en sortit et grossit jusqu'à ce que Franklin reconnut en elle sa vigoureuse monture de la veille. La dourne s'était changée en un carrosse tout doré. Ranis y attela la grenouille, monta dedans et disparut. Les ambassadeurs et les deux jeunes gens arrivèrent jusqu'au lac Pavin avec un temps superbe, car le matin, Olborius avait mis sa culotte à l'endroit. Ils étaient en vue de la mystérieuse nappe d'eau lorsque l'air s'obscurcit et il se mit à tomber un verglas tel que la petite caravane ne pouvait plus avancer. « C'est mon oncle qui vient de retourner sa culotte !» s'écria Églante. « Et cela prouve qu'il s'est débarrassé de son fil. Messieurs, défions-nous » dit le chevalier. À peine avait-il prononcé ces mots qu'au milieu du tonnerre et des éclairs, il aperçut Olborius et la veuve Quoi monter sur un terrible balai tout ardent. Il s'en échappait un véritable feu d'artifice, de toute espèce de diablerie, d'autant plus effrayante qu'en ce temps la poudre n'était pas encore inventée. En un clin d'œil, les pauvres ambassadeurs et leurs chevaux furent rôtis comme des canetons de Rouen, que c'était pitié. Franklin, qui portait sa sœur en croupe, s'était retourné pour l'abriter de son corps protégé par ses armes dorées. Mais comme elle n'était pas fée, il n'y gagnait pas grand-chose et était menacé d'être cuit à l'étouffée au lieu d'être rôti. Le vieux et la vieille, débarrassés des ambassadeurs, s'acharnaient après lui et s'en était fait de ses pauvres enfants si la tête du dragon qui pendait au poitrail ne s'était mise de la partie. « À quoi songes-tu » dit-elle à Franklin. « De me laisser rôtir le poil par ces vieux sapajous? Ne m'avais-tu pas promis de me soigner? Faudra-t-il donc que je me défende moi-même? C'est bien malaisé quand on a laissé son corps au logis. Cependant, pince-moi donc l'oreille gauche. Peut-être pourrais-je faire quelque chose pour vous et pour moi. » Le jeune chevalier fit ce que demandait la tête de son ami. Aussitôt il en jaillit une colonne d'eau qui essaya d'éteindre le feu du balai. Mais celui-ci tint bon, et l'on ne savait qu'il aurait emporté du feu ou de l'eau si, pendant ce temps-là, le cheval, incommodé au plus haut point par le maudit balai, n'eût reculé, sans qu'on y prît garde, jusqu'à la falaise la plus élevée et la plus à pic du lac. Tout à coup, la terre lui manqua, et il tomba à la renverse d'une hauteur vertigineuse qu'on nomme encore le saut de la demoiselle. « Ils sont perdus !» s'écria joyeusement Olborius. « C'est nous qui le sommes, animal !» répondit la vieille furieuse. En effet, le balai lancé à la poursuite du cheval n'avait pu être arrêté à temps et avait dépassé les limites où finissait le pouvoir de ceux qui le montaient. Aussi s'éteignit-il subitement, et tous trois tombèrent dans le lac où on les retrouva le lendemain. Le vieux et la vieille étaient morts. La fameuse culotte avait déteint et ne produisait plus aucun effet. On enterra ensemble toutes ces guenilles. Il en fut tout autrement de Franklin et d'Églante. Des grenouilles ailées et apostées tout exprès les avaient arrêtées au vol. Les eaux s'ouvrirent devant eux et ils furent déposés dans le palais de Ranis, qui était bien la plus belle chose qu'on pût voir. La reine des eaux les attendait sur son trône, entourée de toutes ses grenouilles d'honneur, plus belles les unes que les autres. Mais le chevalier n'avait Dieu que pour la princesse et alla humblement se prosterner à ses pieds. Elle le releva avec bonté et le mena avec sa sœur dans une salle où le festin le plus somptueux était servi. Après le festin, il y eut bal. Après le bal, le dragon du creux de Choucy, transformé en vieillard de bonne mine, portant sur l'épaule une hache d'or, vint bénir l'union du chevalier et de la reine. Le lendemain, Franklin conduisit Aiglante à la cour de Montauban. Il revint le soir même coucher au fond du lac, et depuis il n'a cessé de faire tous les jours ce voyage, au retour duquel la reine des eaux l'accueille toujours avec la même tendresse.